moi personnellement, hein, je parle, j'avais un gros préjugé sur le monde agricole. Chaque fois qu'on te dit qu'est-ce que tu fais comme métier, je suis fromagère. Je ne suis pas agricultrice, je suis fromagère, je suis commerciale. Et chaque fois, en fait, au début, agricultrice, bon, maintenant, je l'assume. Je suis fière. Mais du coup, je trouve que c'est bien, justement, de dire que ben, je trouve qu'on a un métier qui est plus que valorisant parce qu'on fait tout. On sait tout faire. On sait faire la mécanique, on sait faire du fromage, on sait faire des chiffres, on sait parler aux gens. Voilà, c'est un métier, je trouve, qui est vachement bien. Marie travaille avec ses deux frères et son cousin au GAEC des Bessous, à Sally-du-Sala. Elle nous explique l'importance de communiquer pour rester en phase sur le projet quand on ne partage pas les mêmes tâches au quotidien. Alors c'est aussi une petite épopée. Un matin, mes frères ils me disent « T'as viens au bureau, il faut qu'on discute. » Ok, donc je monte au bureau et ils me disent « Cette année, on ne vend plus le lait à la laiterie, on transforme tout. » Ok, j'avais fait un test de grossesse 2 jours avant, j'étais enceinte. Donc j'avais pas prévu de leur dire de suite. Mais bon, du coup, j'étais obligée de le dire parce que bon, c'est moins une surprise, mais bon, j'aurais dit, ça tombe bien, pas la meilleure année. Mais du coup, bon, c'est pas grave. Du coup, c'est là qu'on a embauché Maxime par le service de remplacement. Donc du coup, ça lui a permis aussi de rentrer dans l'exploitation pour voir s'il voulait bien bosser avec nous. Ah. Alors là, regardez, les alimentateurs partent. Vous voyez que ça clignote, donc ça veut dire aux brebis, on se lance. Et là, maintenant, ça fait 2-3 mois là, qu'on essaye une fois par semaine de manger ensemble, mais que tous les quatre, parce qu'on mange tous les midis ensemble, hein, mais avec papy, papa, maman. Hein. Donc là, tous les vendredis, en fait, on est au-dessus de la fromagerie, on a un appartement. On mange tous les quatre, hein, et c'est justement à ce moment-là qui m'explique ce qu'ils font à l'agricole, parce qu'ils te disent il faut changer le tracteur. Encore ? Voilà. Alors moi, je ne connais pas trop les raisons pour lesquelles ils veulent changer le tracteur. Il me dit oui, mais on a acheté le semoir, mais l'autre, il ne peut pas le tirer, alors il faut le changer. Bon, voilà, c'est des détails. Donc, eux, ils m'expliquent pourquoi ils veulent faire des investissements. Et Maxime, lui, par contre, il les aide un peu plus. Il est un peu plus aussi vers eux. Donc, du coup, il a quand même son mot à dire. Il n'y a que moi au niveau des investissements. Enfin, je leur dis, je peux investir. Ce que je leur demande, moi, c'est d'avoir la meilleure qualité de lait. En fait, c'est comme si j'étais un peu indépendante. Je leur dis, moi, je veux du bon lait. Vous vous débrouillez. Ouais, voilà. Moi, je veux du bon lait pour avoir du bon fromage. Bon, après, nous, on a un avantage. C'est que, comme vous dites, on se connaît depuis toujours. On n'est pas toujours d'accord. On s'engueule très régulièrement. Mais l'avantage, c'est qu'on peut se permettre de tout se dire. Si, parce qu'après, on essaye d'être raisonnable, on sait très bien que notre but, quand même, c'est de s'en sortir et d'en vivre. Voilà, ouais. Après, la confiance, c'est 100% quand même du projet. Quand le groupe de Mathieu et Tom sont arrivés, nous ont proposer leur projet, ça nous a assez intéressés. On s'est dit que c'était quand même plusieurs personnes, que ça mettrait de la vie dans le village. De retour sur la ferme du GAEC du Chamboule, Catherine, la cédante, nous parle de confiance dans ce processus de transmission. Il faut faire confiance, quoi. De toute façon, on n'est pas éternel. Les jeunes, il faut qu'ils y en aient. Enfin, je sais pas, c'est... Voilà, moi, ils auraient pu se disputer, ils auraient pu tout foutre en l'air, ils auraient pu se... Bon, voilà, nous, on aurait pu les faire chier, ils auraient pu en avoir marre, enfin bon... Tout est possible, quoi. Mais quand on veut vraiment quelque chose, je pense que chacun y met du sien et il faut faire confiance, quoi. Voilà, il faut faire confiance. Quoi. Alors, devant nous, on a un troupeau de brebis basco-béarnaises. Ils trépent pas en ce moment, je pense, ils l'ont expliqué. Qui sont en train de dormir un peu, là, qui... dans un pré d'herbe grasse, entouré de forêts. Avec quelques cloches. Il faudrait les faire bouger pour les entendre. Ouais, c'est ça. Sur ce que je peux dire aussi sur l'historique de la ferme, c'est que ça s'est fait petit à petit et que finalement, en fait, on avait ces trois activités-là au début. Au début, on était quatre. Après, Aline, elle est partie. Elle a monté son... Aline, c'est la copine de Tom. Elle a monté son activité à côté. Donc après, on était trois et ça faisait trop de boulot, quoi. Mathieu et ses associés ont été accompagnés par une structure sur la gestion des conflits. Donc on a vite cherché de l'aide. Donc c'est là que Grégoire est entré. C'est aussi un pote à nous qui nous suivait un peu de loin et qui est rentré. Et après, on a pris un salarié, Julien, qui cherchait à s'installer et à qui on a proposé de rentrer dans le GAEC. Et tout ça sans fondamentalement changer en fait, la structure de l'exploitation. En fait, quand on s'installe en collectif, on ne sait pas si on va arriver. On avait déjà un an, on bossait un peu ensemble, on avait déjà tenté en fait, de s'installer ailleurs. En fait, quand on commence les choses par mettre 200 000 euros sur la table, ce n'est pas si évident en fait. Il faut mieux en fait, commencer par bosser. Et c'est ce qu'on a fait un peu, nous. Au début, on a juste loué. Et puis, on n'a pas trop investi au début. On a commencé petit. Et puis, quand on a monté le GAEC en 2012, c'est-à-dire trois ans après qu'on soit ici, c'est le moment où on a le plus emprunté, par exemple. On a eu l'occasion, en fait, d'acheter une ferme dans le village. Ça a augmenté de 10 hectares de SAU. Moi, ça m'a permis, Hélène et moi, ça nous a permis d'acheter une maison, de racheter un peu des bâtiments. Et puis là, 10 ans après, on construit ce bâtiment. Ça a été assez progressif, quoi. Mais alors, vous avez une réunion Voilà, alors on prend le café pratiquement tous les matins ensemble. Enfin, quand il y a quelqu'un qui veut prendre un café, il envoie un texto, je prends un café, vers 9-10 heures. Et le lundi matin, on fait un grand café. On dit, par exemple, cet après-midi, visite. Ou je vais pas bosser ce jour-là, ou mes enfants sont malades, ou je sais pas. Et quelle gestion des conflits, non, mais tensions? On a pas mal bossé là-dessus, du coup. Ce matin, on a parlé de la TAG. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pour ceux qui sont en Midi-Pyrénées, c'est une association qui bosse dans le Tarn. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux. On a organisé des formations. Alors, c'est Association Tarnaise pour l'agriculture de groupe. Donc, ils nous ont beaucoup aidés sur la communication. Dès le départ ? Pratiquement dès le départ, en fait, ouais. Et Virginie Rousselin, ça fait 20 ans qu'elle fait ça. 20 ans de gestion de GAEC explose, familial et tout. Du coup, en plus, on est la bonne partie quand on arrive et qu'on dit on veut créer un collectif. Et de gestion de quand ça se passe mal, pourquoi ça se passe mal. Ouais, et on le fait financer par du Vivea. Nous, par exemple, sur des fois, on a fait des formations juste pour le GAEC. On est 5. On fait une formation Vivea 5 et elle passe 2 jours ici. Après, on a monté une formation avec l'ADR et la TAG en Ariège. Sur parole d'associés, c'est-à-dire on se regroupait à plusieurs GAEC pour parler des problèmes qu'on avait communs sur 4 jours pendant l'hiver. Donc ça nous a pas mal aidé. Et puis après, c'est du boulot, quoi. C'est s'entendre avec, même si c'est des potes, ça prend du temps, quoi. Enfin, ça prend clairement du temps. Enfin, je veux dire, les projets faire avec les autres, ça prend beaucoup de temps, quoi.